En Corée, les jardins d'enfants s'efforcent à l'éducation intellectuelle des enfants avec des moyens pour le développement de l'intelligence. Surtout, le multimédia bouton de fleurs, qui contient plus de 16 000 images, est efficace pour l'enseignement de la langue coréenne et du calcul, l'esprit d'observation, l'analyse et la décision indépendante chez les enfants, ce qui attire l'attention pour l'éducation des enfants à l'âge préscolaire. Le logiciel d'assistance à l'enseignement des enfants Mister, parti de la faune aussi, est largement utilisé pour permettre aux enfants d'observer en détail les images, cartes, voix et mouvements des animaux de 100 espèces.